Le diable à Berlin de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann 1820 traduit par Henri Egmont. En l'année 1551, on remarqua dans les rues de Berlin, surtout à l'heure du crépuscule et durant la nuit, un homme d'un extérieur distingué. Il portait un élégant pourpoint garni de ziblis, un haut de chausses très ample et des souliers fendus dans toute leur longueur. Sa tête était couverte d'une belle barrette en velours ornée d'une plume rouge. Il avait des manières courtoises et prévenantes, saluant poliment tout le monde, mais particulièrement les dames et les demoiselles, à qui il adressait même des propos flatteurs et galamment tournés. Ainsi, il disait aux dames de qualité « Que votre grâce daigne transmettre ses ordres à son très humble serviteur et lui confier les souhaits de son âme pour qu'il puisse employer ses faibles moyens à leur accomplissement. » Et s'il parlait aux demoiselles « Que le ciel, disait-il, vous donne un époux vraiment digne de vos attraits et de vos vertus. » Il se comportait avec autant de bienveillance à l'égard des hommes. Il était donc peu surprenant qu'on aimât généralement l'étranger, et chacun s'empressait de venir à son aide quand il était arrêté près des larges ruisseaux de la ville et embarrassé de les franchir. Car quoiqu'il fût grand et bien fait, il boitait cependant d'un pied, ce qui l'obligeait à céder d'une canne. Mais quand quelqu'un lui tendait la main, il sautait alors avec lui à près de 10 pieds de hauteur et retombait de l'autre côté, quelquefois à 12 pas plus loin. Cela étonnait bien un peu les gens, et plus d'un empressé avait eu de la sorte la jambe foulée ou la cheville démise. Mais l'étranger s'excusait en disant qu'autrefois, avant d'être devenu boiteux, il avait été prévôt de la salle de danse à la cour du roi de Hongrie, et que par suite, dès qu'on aidait en soi peu son élan, l'envie de danser encore s'emparait de lui et le forçait irrésistiblement à sauter de la sorte. On se contenta de cette explication, et même on finit par s'égayer à voir tantôt un magistrat, tantôt un pasteur ou quelque autre personne vénérable bondir de cette étrange façon au bras de l'étranger. Il y avait pourtant de bizarres contradictions dans sa conduite. Ainsi, parfois, il parcourait nuitamment les rues et heurtait aux portes des maisons. Ceux qui ouvraient les leurs étaient saisis d'effroi en le voyant enveloppé de blancs linceuls et poussant des gémissements pitoyables. Le lendemain, il allait présenter ses excuses et prétendait obéir à la nécessité d'agir ainsi, tant pour se rappeler à lui-même que pour rappeler aux personnes pieuses que leur corps était périssable et leurs âmes immortelles. En disant cela, il ne manquait pas de verser quelques larmes, ce qui touchait excessivement ses auditeurs. L'étranger assistait à chaque convoi, suivant le corps d'un air révérencieux et donnant les marques d'une affliction telle que ses gémissements et ses sanglots l'empêchait de mêler sa voix aux cantiques religieux. Mais autant il semblait en ces circonstances pénétré de chagrin et de pitié, autant il manifestait de plaisir et de joie aux noces des bourgeois qui se célébraient alors en grande pompe à l'hôtel de ville. Il chantait toujours, avec non moins de vigueur que d'agrément et en s'accompagnant sur la guitare, une foule de chansons des plus variées. Et même il dansait pendant des heures entières avec la mariée et les demoiselles, sans se fatiguer, et dissimulant très adroitement le défaut de sa jambe infirme. Il faisait paraître d'ailleurs dans tout cela une décence et une modestie particulières. Mais bien mieux, et ce qui rendait surtout agréable aux jeunes mariés la présence de l'étranger, c'est qu'il avait l'habitude d'offrir à chacun des deux époux des présents d'une grande richesse, comme des chaînes et des boucles d'or ou d'autres objets précieux. La piété, les vertus, la libéralité et les mérites de l'étranger furent bientôt connus de toute la ville de Berlin. Et comme cela était immanquable, le bruit de sa réputation parvint aux oreilles de l'électeur. Celui-ci pensa qu'un homme aussi recommandable devait faire l'ornement de sa cour, et il lui fit demander s'il accepterait volontiers un emploi. Mais l'étranger lui écrivit en réponse, sur un parchemin portant une aune ennemie en long et en large et avec des caractères rouges comme le cinabre, qu'il le remerciait très humblement de l'honneur qu'il voulait lui conférer, mais qu'il le suppliait, comme très haut et très puissant seigneur, de lui accorder la faveur de jouir librement de la vie paisible de bourgeois qu'il affectionnait par-dessus tout, qu'il avait choisi le séjour de Berlin de préférence à bien d'autres villes, parce qu'il n'avait rencontré nulle part des hommes aussi aimables, autant de pureté et de loyauté dans les mœurs, ni un penchant à la franche gaieté, aussi conforme à son humeur et à sa manière de vivre. L'électeur et ses courtisans admirèrent l'élégance du style de la lettre de l'étranger, et cette affaire n'eut pas d'autre suite. Mais il arriva, à la même époque, que la femme du conseiller, Walter Lutkens, devint enceinte pour la première fois. La vieille sage-femme, Barbara Rolofine, prédit que la gracieuse dame, aussi belle que bien portante, accoucherait à coup sûr d'un joli petit garçon. Cette douce espérance mit le comble à la joie de M. Walter Lutkens. L'étranger qui avait figuré à la noce de M. Lutkens était dans l'habitude de les visiter de temps à autre, et il arriva un jour, qu'étant survenu à l'improviste, il se rencontra justement avec la dame Barbara Rolofine. La vieille Barbara n'eut pas plutôt aperçu l'étranger qu'il lui échappa un cri de joie retentissant et prolongé. Les rides profondes de son visage parurent s'effacer tout à coup. Ses lèvres et ses joues pâles s'animèrent d'un faible coloris. Enfin, elle semblait jouir d'un dernier reflet d'une jeunesse et d'une beauté congédiées depuis bien longtemps. « Ah ! S'écria-t-elle. Est-ce réellement vous que je vois ici, messire ? Daignez recevoir mes plus humbles salutations. » En même temps, Barbara Rolofine se mit presque à genoux devant l'étranger. Celui-ci, pourtant, dont les yeux projetaient des flammes, lui répondit d'un ton courroucé. Mais personne ne comprit ce qu'il dit à la vieille, qui, redevenue pâle et ridée, alla se réfugier dans un coin. « Mon cher monsieur Lutkens, dit alors l'étranger au conseiller, prenez bien garde qu'il n'arrive un malheur chez vous, et veillez surtout à ce que l'accouchement de votre femme ait lieu sans accident. Il s'en faut que la vieille Barbara Rolofine soit aussi habile dans sa profession que vous paraissez le supposer. Je la connais depuis longtemps, et je sais positivement qu'elle a plus d'une fois compromis l'accouché et son enfant. » Cette étrange scène avait frappé M. Lutkens et sa femme d'une certaine anxiété. Ils conçurent même le grave soupçon que Barbara Rolofine s'adonnait à de pernicieuses pratiques, et ils ne pouvaient s'expliquer ses procédés singuliers envers l'étranger. En conséquence, ils lui défendirent de remettre les pieds sur le seuil de leur porte, et ils choisirent une autre sage-femme. La vieille Barbara Rolofine se mit sur cela dans une grande colère et s'écria que M. Lutkens et sa femme se repentiraient amèrement de l'injustice dont ils la rendaient victime. M. Lutkens vit toutes ses espérances détruites et sa joie se changea en un chagrin mortel quand, au lieu du joli garçon dont Barbara Rolofine avait prophétisé la venue, sa femme mit au monde une créature horrible. Ce petit monstre avait la peau brune comme une châtaigne, de gros yeux saillants, point de nez, une paire de cornes, une bouche démesurée, une langue blanchâtre et contournée, et point de cou. Sa tête était adhérente entre ses deux épaules. Son corps était gonflé et rugueux. Il avait des cuisses longues et maigres, et des bras atteignant à peine ses reins. M. Lutkens se désolait et se lamentait beaucoup. « Oh, juste ciel ! » s'écria-t-il. « À quoi faut-il s'attendre ? Cet enfant pourra-t-il jamais suivre les honorables traces de son père ? A-t-on jamais vu un conseiller avec une peau de châtaigne et deux cornes sur la tête ?» L'étranger consola de son mieux le pauvre monsieur Lautequins. « Une bonne éducation, disait-il, a beaucoup d'influence. » Et nonobstant la forme et la figure du nouveau-né, qui n'était guère orthodoxe, à la vérité, il osait affirmer qu'à l'aide de ses gros yeux, il promenait autour de lui des regards très intelligents et qu'une large dose de sagesse trouverait sa place entre les deux cornes de son front. Si l'enfant ne pouvait devenir conseiller, il serait peut-être en revanche un savant profond, un docteur renommé, gens auxquels ne messiaient pas la laideur qui leur procure au contraire plus de considération. Il était bien naturel que M. Lautequins, au fond du cœur, attribua son infortune à la vieille Barbara Rolofine, surtout quand il sut que pendant l'accouchement de sa femme, elle était venue s'asseoir au seuil de sa maison. Et lorsque Mme Lautequins, en outre, lui assura, en fondant en pleurs, que pendant les douleurs de l'enfantement, elle avait toujours eu, devant les yeux, le visage repoussant de la vieille Barbara, sans pouvoir se débarrasser de cette vision. Les soupçons de M. Lautequins avaient trop peu de fondement pour motiver une accusation en justice. Mais le ciel voulut que peu de temps après, tous les crimes de la vieille Barbara Rolofine fussent découverts. Il arriva à cette époque, vers l'heure de midi, qu'un orage épouvantable éclata avec des tourbillons d'un vent impétueux. Et en présence des passants, Barbara Rolofine, qui se rendait justement auprès d'une femme en couche, fut emportée par les airs avec un grand fracas par-dessus les toits et les clochers. Puis on la retrouva déposée sans nul accident au milieu d'une prairie hors de Berlin. Dès lors, il n'y eut plus moyen de douter des sortilèges malfaisants de la vieille Barbara Rolofine. M. Lautequins déposa sa plainte et la vieille fut arrêtée et mise en prison. Mais elle nia tout d'abord obstinément jusqu'à ce qu'on l'appliquât à la question. Alors, ne pouvant résister à l'excès de la douleur, elle avoua que depuis longtemps et de concert avec le démon, elle avait pratiqué la magie et les maléfices, qu'elle avait positivement ensorcelé la pauvre Madame Lautequins et avait substitué un monstre affreux à l'enfant qu'elle portait dans son sein, mais qu'en outre, elle avait plusieurs fois, avec deux autres sorcières de Bloomberg, auxquelles le diable avait récemment tordu le cou, tué et fait bouillir des enfants catholiques dans le but de provoquer la disette dans le pays. D'après le jugement qui ne se fit pas attendre, la vieille sorcière fut condamnée à être brûlée vive sur la place du marché neuf. Le jour de l'exécution arrivé, l'on conduisit la vieille Barbara au milieu d'une foule immense à la place du marché, et on la fit monter sur le bûcher dressé à cet effet. On lui ordonna d'ôter sa belle pelisse dont elle était revêtue, ce qu'elle refusa de faire, et si opiniâtrement que les valets du bourreau furent obligés de l'attacher au poteau dans cet accoutrement. Déjà le bûcher s'enflammait aux quatre coins quand on aperçut l'étranger qui dominait comme un géant toute la foule et lançait du côté de la vieille des regards étincelants. D'épais nuages de fumée s'élevaient déjà et les flammes allaient atteindre les vêtements de la vieille. Alors elle cria d'une voix perçante et terrible. « Satan ! Satan ! Est-ce ainsi que tu remplis le pacte que tu as signé avec moi ? Au secours, Satan ! Au secours ! Mon temps n'est pas encore fini !» Soudain, l'étranger disparut. De la place qu'il occupait, une grande chauve-souris s'élança avec beaucoup de bruit au milieu des flammes et s'éleva en criant dans les airs avec la pelisse de la vieille. Le bûcher s'écroula avec fracas et s'éteignit. Le peuple était saisi d'effroi et de stupeur. Chacun vit clairement que le magnifique étranger n'avait été rien moins que le diable en personne. Et l'on convint qu'il devait avoir médité de bien noirs projets contre les bons berlinois pour s'être si longtemps comporté avec tant de piété et de bienveillance au point que sa fourberie maudite avait trompé M. le conseiller Walter Lautequins et maints autres hommes érudits ainsi que beaucoup de femmes sages et honorables. Tant est grande la puissance du diable, des pièges duquel nous préserve la grâce divine.